On va parler avec notre ami Phil Desgagnes. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, bonne fête en retard, Danny. Merci, en retard, mais merci, bonne fête quand même. Merci, merci, merci. Phil, le Canadien hier, Buffalo, autant c'était une équipe plate, ça faisait, il y avait plusieurs jeunes, il y avait des Jack Eichel, des Rasmus Dahlin, Jeff Skinner qui n'est pas vu non plus. C'est une équipe que je pense que le Giro va prendre cette année, là. Effectivement, écoutez, c'est une équipe qui, depuis plusieurs années, repêche dans les bas fonds du classement. Puis, effectivement, ils ont fait de bons choix. Ils ont décidé que leurs jeunes joueurs allaient jouer de façon régulière. Et je pense que ça commence à payer. Ça donne des bons résultats. Et en plus, avant, le gardien de but ne faisait pas le travail. Actuellement, le gardien fait le travail. L'équipe est très jeune. Ils ont une couple de bons vétérans, dont Osposo et quelques autres, qui donnent... je pense exactement ce que la direction s'attendait. Et là, actuellement, les résultats sont là. Écoutez, 8e victoire d'affilée. Ils ont gagné, quoi, 4 ou 5 parties en prolongation. L'équipe qui a beaucoup de vitesse et beaucoup de talent. Et la Ligue nationale de hockey est là maintenant. Ouais. Une ligue où il y a beaucoup de vitesse et beaucoup de jeunes joueurs de hockey. Oui, effectivement. Puis l'arrivée de Dahlin, l'arrivée de Eichel, l'éclosion d'Eichel, qu'on savait que c'était... Oh oui, okay. Eichel, écoutez, c'est le premier choix. Et tout le monde a unanime à dire que ce serait une grande vedette dans la Ligue nationale. Puis actuellement, ben, il est en train de prouver que les Sabres avaient raison de croire en lui. Puis là, actuellement, il est mieux entouré qu'il l'était au départ. Au départ, il était presque seul. Pas beaucoup de jeunes joueurs, pas beaucoup de talent autour de lui. Mais là, actuellement, bien entouré avec quelques vétérans, eh bien, ça donne des bons résultats. Et l'arrivée d'un nouvel entraîneur également a donné un deuxième souffle à cette équipe-là. On sent que c'est un ancien défenseur, c'est un gars qui est jeune, qui est avec les... Il est prêt de ses joueurs et ça semble donner des bons résultats actuellement à Buffalo. Phil, Mario Tremblay a été honoré cette semaine. J'ai parlé à Mario. Tu m'as dit... Écoute, tu te rappelles de lui, tu étais arbitre à l'époque. Oui. Son frère Michel a joué avec les Saguenay. Il était-tu bon, premièrement? C'était pas un mauvais joueur, pas du même calibre que Mario, ça, il n'y a aucun doute. Là. Okay. Michel, quand même, c'est un joueur qui avait un certain talent. C'est un gars qui, également, qui était physique, était costaud, pas le même genre de joueur que Mario, mais Mario avait beaucoup plus de talent, était plus jeune, mieux entouré. Les Saguenay, c'est une équipe d'expansion, tu sais, ils commençaient là, à ce moment-là, donc c'était un peu plus difficile. Mais Michel, quand même, a joué pour les Saguenay. Hein? C'est pas tout le monde qui a joué au junior majeur. Quand tu es rendu au niveau du junior majeur, c'est que tu as un certain talent. Puis Michel avait ce talent-là, mais Mario, il était un joueur tout à fait exceptionnel junior. La preuve de ça, c'est qu'à 19 ans, il jouait chez les professionnels. Donc, c'était vraiment très différent entre les deux, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Phil, il y a deux gars des Sags qui n'ont pas été honorés, qui devraient l'être, Jean-Marc Richard puis Patrice Tremblay. Marc Fortier me disait cette semaine qu'une chance qu'il a eu, Patrice Tremblay, son compagnon de trio là, à l'époque. Patrice, ça va être un gars qui, à mon avis, bientôt, on va tirer son chandail chez les Saguenayens. Ouais. C'est un gars qui a marqué l'histoire des Saguenayens. Écoutez, il a marqué des buts. Je pense qu'il y a une saison, il y a près de 80 buts. Là. Ouais. Donc, non, Patrice, c'est un joueur tout à fait exceptionnel. Moi, je pense qu'avant longtemps, il va être au temple de la renommée. Jean-Marc Richard, c'est la même chose. Comme défenseur, Jean-Marc, là, il jouait 50 minutes. Il décidait quand est-ce qu'il débarquait, Jean-Marc Richard. Là. Donc, c'est pas compliqué. C'est un joueur tout à fait exceptionnel. Mais, vous savez, c'est des humains qui votent là-bas au temple de la renommée. Et puis, je pense que, dans le cas de Mario, ça a pris un peu plus de temps pour une raison. Mario a joué seulement que 2 ans junior. C'est pas comme un gars qui a joué 3 puis 4 ans junior. C'est différent un petit peu. Dans le cas de Mario, il faut pas oublier que les gens qui nomment des joueurs au temps de la renommée de la Ligue junior majeure regardent pas nécessairement sa fiche Ligue nationale de hockey. Ils regardent vraiment ce qu'il a fait au niveau du hockey junior. Et Mario n'a joué que 2 saisons avec le junior de Montréal. Donc, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et là, la question que je me posais cette semaine, combien de personnes de la région sont au temps de la renommée de la Ligue junior majeure? Goulet. Je ne me rappelle pas. Hein? Et Michel Goulet, sûrement. Michel Goulet, Mario Tremblay, Pierre Sévigny, puis moi. Donc, je pense qu'on est 4 actuellement qui sont au temple de la renommée de la Ligue. Moi, je suis là comme un peu comme bâtisseur qui appelle au niveau des arbitres, là. Mais comme joueur, moi, j'en connais 3. Pierre Sévigny, il l'a été il y a 2 ans. C'est un petit défenseur qui a évolué pour les Saguenay, pour les Travers de Trois-Rivières. Michel Goulet, encore là, Michel Goulet. Ça a pris un certain temps pour une raison, dans le cas de Michel Goulet. Il a joué seulement que 2 ans. Après ça, il est allé jouer avec les Baby Bulls dans l'AMH. Donc, c'est un peu souvent la difficulté qu'ils ont des fois d'atteindre le niveau du temps de la renommée. Mais bravo à Mario. Moi, je pense qu'il a sa place là. C'est un gars qui a marqué l'histoire du hockey au Québec par sa fougue, son côté également, implication à tous les niveaux. Donc, moi, je pense que Mario, amplement, c'est le 3 avril prochain, puis moi, je vais me faire un devoir cette année d'y être là, parce que, en plus, c'est un gars de la région, puis c'est souvent le plaisir de se retrouver des gens qui sont autant de la renommée, parce qu'à chaque année, faut le dire, la Ligue nous invite à participer à l'événement en tant que membre du Temple de la Renommée. C'est toujours un accueil puis des retrouvailles tout à fait extraordinaires. Puis moi, je vais être présent cette année, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Phil, est-ce que tu penses que Samuel Girard va l'être un jour? Samuel, sûrement. Écoute, il a joué seulement 2 ans. Junior, c'est un joueur qui était exceptionnel, mais c'est toujours difficile d'un joueur, parce que dans le cas de Samuel, un défenseur, toujours plus difficile de se mettre en évidence. Ouais. Même Lafrenière, actuellement, il va 2 ans, puis il jouera peut-être même pas 3. Il marque des buts, il est premier marqueur de la Ligue. Son nom est en évidence de façon plus grande. Dans le cas de Samuel, c'est plus une surprise que d'autres choses. Ouais. On connaissait tous son talent, mais un petit défenseur, écoute, j'ai regardé cette semaine les joueurs les plus petits de la Ligue nationale, il est 5e plus petit, il joue à défense dans la Ligue nationale, c'est assez exceptionnel. Et je regarde, moi là, à chaque match que le Colorado joue, c'est tout ce que je regarde, pas les statistiques, son temps de jeu. 20 minutes. En moyenne, 20 minutes. 21, 22, 23 minutes par match. Faut le faire, là. Effectivement, effectivement. Hey, Phil, il y a une autre chose, je ne t'avais pas parlé en dehors des ondes, as-tu vu la statue de Jean Béliveau? Comment t'as trouvé ça? Écoute, aujourd'hui, avant, là, c'était la mode des gros bustes. C'était comme ça, tout le monde en le voyait, on disait, ah oui, ça se ressemble. Maintenant, l'art a changé, c'est une nouvelle façon de présenter, c'est plus artistique. Moi, honnêtement, ça là, tu vois, j'ai vu différentes photos, différents angles. Il y a un angle où tu vois très bien que c'est Jean Béliveau, d'autres angles, ben, tu dis, c'est quoi au juste, là? Mais, écoute, c'est maintenant comme ça. Moi, j'avoue honnêtement, je trouve ça correct. La preuve de ça, c'est que s'il y avait été un bus, je l'aurais mis en photo, je serais pas fait un spécial pour aller le voir. Mais lors de mon prochain voyage à Québec, je vais faire un spécial pour aller la voir, cette fameuse œuvre, pour une raison. Parce que ça fait jaser le monde, puis ça fait parler le monde, puis c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, moi, personnellement, je vais aller la voir, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais faire un spécial même. S'il y avait été un bus normal, j'aurais probablement pour faire un spécial, j'aurais attendu une occasion pour aller au centre Vidéotron pour aller la voir. Mais là, je vais faire un petit détour dans mon prochain voyage dans le temps des fêtes pour aller voir cette femme qui a été dévoilée la semaine dernière. Mais Phil, ça ressemble à Goldorak. Tu sais, il ressemble à Goldorak. Ah, mais ça, écoute. Dani, c'est ça aujourd'hui. Faut vivre avec maintenant. Si on avait fait un bus comme les anciens, il n'y aura rien d'original, il n'y aura rien à parler. On a monté un bus au nom de Jean Béliveau. Mais là, on a fait une œuvre d'art qui est vraiment très différente et ça fait parler tout le Québec et bien les gens vont faire un détour pour aller la voir. La preuve de ça, il y a eu des reporters à la télévision et tout. Ça aurait été un bus normal, tu penses-tu qu'on aurait fait quelque chose de spécial? Pas beaucoup, à part d'un petit article mais minime, ça aurait passé à côté. Donc là, ben là, on en parle encore. La preuve, Dani, toi t'en parles, les médias sociaux en ont parlé. Ça va être un bus normal. Moi, je pense qu'on aurait passé à côté de la question. Ouais, là, maintenant, on en parle beaucoup plus. Mais Phil, t'es allé aux États-Unis, t'en as vu des statues dans des stades. T'as-tu déjà vu une affaire aussi laide? C'est jamais vu ça. Ben ça, c'est ton objectif de dire que c'est laid, là. Moi, je te dis, c'est une œuvre d'art. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, là, on est dans un autre. On est au 20e siècle, Dani. Ouais. On n'est plus à ce que c'était avant. Tu vas dans des endroits des musées, effectivement. Tu te fais photographier à côté, tu sais, d'une grande vedette, puis tu dis, mon Dieu, j'étais avec Bobby Orr, tu sais, Bobby Barack Orr. Obama, ou j'étais avec un grand joueur de baseball. Mais aujourd'hui, c'est différent. Est-ce que tu vas te faire photographier à côté de la statue de Jean Béliveau au centre Vidéotron? Je suis peut-être pas sûr, mais ça a attiré ton attention, puis tout le monde en parle actuellement. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est manqué de respect. En tout cas, c'est ton opinion. Moi, je trouve que c'est manqué de respect avec quelqu'un qui était respecté et respectable. En tout cas, la famille Béliveau, il y a quelqu'un qui était là, puis lui a trouvé l'œuvre d'art, puis c'est vraiment extraordinaire. Oui, mais en tout cas, on n'est pas d'accord là-dessus. Hey, Phil, en terminant, je veux te parler d'un sujet que j'ai développé la semaine passée, les lignes ouvertes. T'en as animé pendant, je sais pas quoi, 25 ans? Oui, t'as 20 ans. 20 ans. Moi, écoute, je suis pas un gars qui a fait de l'ATM, je suis pas un gars qui a fait des... J'ai appris le goût de la radio en appelant les lignes ouvertes. Et ça me fait mal de dire ça. Mais est-ce qu'en 2018, est-ce que là, ça a encore sa place? Moi, je regarde ce que le 91-9 font. C'est toujours les mêmes personnes qui appellent. C'est tandis qu'aujourd'hui, en 2018, tu peux interagir avec les gens, avec des médias sociaux. Tu sais, je pense que tu viens de donner la réponse. Ouais. Avant, les gens n'avaient pas l'occasion d'intervenir. Maintenant, tu as Facebook, puis tu as Instagram, puis tu as un paquet de Twitter où les gens peuvent intervenir. Les lignes ouvertes, dans ce temps-là, étaient quand même très populaires. Faut admettre également qu'à un certain moment, quand il y a eu surtout le hockey qui retenait l'attention, il y avait la grande rivalité Québec-Montréal qui a existé pendant une vingtaine d'années. Et ça alimentait vraiment les lignes ouvertes. Pourquoi? Parce que les gens étaient vraiment des partisans. Il y avait des rivalités d'infamie, des rivalités au travail, partout. Les gens parlaient de ça. Écoute, je faisais des lignes ouvertes en plein mois de juillet, on parlait de hockey. Tu sais, je veux dire, ouais, c'était comme ça. Ouais. Mais maintenant, le monde a changé. On a Facebook, on a d'autres médias pour vraiment répondre à la question. Et deux, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont bien plus préoccupés à regarder le cellulaire puis sur Facebook puis leur ordinateur que d'écouter la radio à 4 heures à la maison ou à 2 heures l'après-midi pour répondre à une question. Moi, je pense qu'avant, effectivement, il y avait des habitués qui téléphonaient, mais il y avait d'autres personnes qui eux, à cause du sujet, à cause de l'actualité dans le domaine du sport. Mais je pense que après l'avènement et le départ des Nordiques de la Ligue nationale de hockey, les lignes ouvertes ont perdu beaucoup, beaucoup de popularité parce que les gens étaient frustrés, les gens étaient déçus, et c'est pas tout le monde également qui suivait ça. Deux, Danny, maintenant, t'as les 82 matchs à la télévision, t'as tous les matchs de la Ligue nationale. Moi, les Saguenayens, je les regarde tous les matchs sur Internet. J'ai même plus besoin. Mercredi dernier, j'avais fait une grosse journée, j'ai dit, je m'en restais à la maison, je me suis assis devant mon ordinateur, j'ai écouté le match du Saguenay comme si j'étais au Centre Vézina. T'avais pas ça avant. Même la Ligue nord-américaine, cette année, est en web diffusion. C'est là que tu te rends compte que les médias ont changé, la façon également, et les gens sont accaparés par d'autres choses maintenant. Moi, je pense qu'effectivement, ça a perdu de la popularité. La preuve de ça, avant, dans toutes les régions, il y avait des lignes ouvertes de sport, il y avait des émissions. Maintenant, il n'y en a plus de gars à Montréal. Il y en avait une dans la grande région de Montréal, puis je ne dis pas que les gars ne faisaient pas un travail tout à fait extraordinaire, c'est pas ça. C'est que la popularité est moins grande, les codes d'écoute ne sont pas là, il arrive quoi, tu penses? Les gens changent, puis les gens évoluent, puis c'est différent aujourd'hui. Mais le 91-9, Phil, parce que là, tu parles là-dessus, là. Moi je suis pas surpris, écoute bien, là. Pas d'antenne, pas de grosses propriétés sportives. Fait que tu peux pas entendre les mêmes gars radoter toujours sur le Canadien, puis proposer des transactions, puis c'est toujours le même monde qui appelle. À un moment donné, ça fait son temps. Écoute, on est dans un autre monde, on est dans une autre façon de faire. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été élevé avec un journal à la porte chez moi. J'ai encore mon quotidien tous les jours qui rentre dans ma maison. Pour moi, c'est prioritaire. Est-ce que tu vois beaucoup de jeunes aujourd'hui avec un journal qui l'ont abonné et qui est livré à la maison? Très peu. C'est vraiment... Et la preuve de ça, les journaux se font actuellement font un travail colossal pour avoir de nouvelles façons. Maintenant, ils ont des commentaires sur Facebook, ils ont des articles là-dessus, ils ont des tablettes, ils sont sur informatique. Tu sais, il y a toutes sortes de moyens d'information maintenant. Écoutez, la télévision maintenant, t'as des postes de nouvelles 24 heures sur 24 maintenant, en direct presque tout le temps. Tu sais, c'est tout échangé maintenant, et c'est une nouvelle façon. Je regardais hier, il y a eu le défi entre Tiger Woods et Phil Mickelson. C'était sur Indigo, les gens payaient pour s'abonner, puis ils regardaient ça. Tu sais, il y a toutes sortes de façons maintenant de voir le sport et d'être abonné à des choses. Effectivement. Phil, on s'en reparle vendredi ou samedi prochain. Merci, c'est le commentaire de Philippe.